Cette séance intitulée par son organisateur Plinio Prado, ce qui est en exception de l'universel de l'université, part d'un constat qui prend à revers l'orientation naturelle de l'esprit de résistance à l'ère du temps que l'on cultive ici même dans ce séminaire. Je résumerai cette perspective en disant que l'université y est vue comme le lieu singulier de la production de savoirs nouveaux et de la transmission des savoirs acquis. Cette mission prise pour constitutive de ce lieu de découverte et de formation est essentiellement appréciée à l'aune de tout ce qui, n'étant pas partie prenante à cette tâche, ni forcément respectueuse de celle-ci, est susceptible de la mettre en danger. Ces facteurs de risque sont nombreux et variés. Les travaux que les différents intervenants viennent exposer dans ce séminaire en déroulent une liste suffisante pour que l'on puisse s'exclamer comme un seul homme ou comme une seule femme qu'il convient en effet de sauver le soldat à l'université. Et ceci contre les visées des croquemitaines en tout genre et leurs réformes qui ont transformé le savoir en marché, en emploi, en innovation, en adhésion inconditionnelle à un type de société qui trouve son accomplissement dans la valeur travail, quelle qu'en soit la qualité, et dans le bonheur de la consommation pour les plus chanceux, si l'on peut dire. Mais nos intervenants de ce soir développent une musique quelque peu différente de celle qui voit dans l'université à la fois la belle assiégée et le dernier refuge de la pensée désintéressée, fondement de la formation de citoyens, en sujet de la connaissance émancipée. Il nous convie plus exactement à nous pencher sur le rapport entre l'université et la connaissance et à explorer la part d'elle qui est à la manœuvre dans la collaboration de ce lieu de production et transmission du savoir apporte à la réforme qui lui est par ailleurs imposée pour lui permettre de s'adapter au mieux aux exigences de la société de marché. La conclusion qui résulte de cela est que les attaques ne viennent pas que de l'extérieur. Elles se manifestent à travers un oubli de soi, qui est l'oubli de ce rapport que l'université devrait explorer, réaliser et transmettre à ses membres dans son enseignement en matière de manière de s'orienter. Cet oubli commence par la mise en place d'une organisation interpersonnelle et formatée de la relation enseignante sur le mode d'une relation de service. D'où l'urgence et l'intérêt de braquer les projecteurs sur cette question peu abordée qui est au principe de l'université et qui s'oppose à l'université telle qu'elle est. Une question qui n'est rien d'autre que celle qui était au cœur de la philosophie antique, si l'on suit Pierre Hadot, et qui avait partie liée avec le fait de donner les moyens à chacun qui s'engageait dans cette voie, corps et âme, de s'orienter dans l'existence en étant en quête d'une vie juste. Une interprétation contemporaine envisageable est peut-être celle de la recherche des conditions et modalités qui permettent de mener une vie autonome et impliquée en relation avec les personnes et au sein des milieux sociaux vers lesquels le hasard de l'existence conduit nos pas. Peut-être est-ce là la sorte d'enseignement universitaire qu'il faut reconquérir contre la version contemporaine, marchande et atomisante de l'université néolibérale. Provoquer une sorte de Brexit académique et éveiller une subjectivité autre que la subjectivité objectivée du statut, du rôle de l'universitaire dans son environnement constitué essentiellement de textes, des concepts qu'il véhicule et avec lesquels la vie et le monde sont classés et disséqués comme des objets, en même temps que d'autres décident à sa place du contenu de ce qu'il doit enseigner et la manière dont il doit le faire. À l'encontre de cette posture, peut-être restaurée, comme le souhaite et le pratique la sociologue Dorothy Smith, par exemple, à travers son ethnographie institutionnelle, la subjectivité qui est de mise dans la conduite des activités de la vie ordinaire, la relation et l'attention aux autres et à l'environnement socialement organisé dans lequel elle se déploie, une prise en compte de la subjectivité incarnée qui se trouve alors étendue à la conduite de la vie académique. Ce qui comprend également la manière d'aborder les terrains d'enquête, de recueillir les témoignages et de faire fond sur l'expérience de ces informateurs, sur leur quotidien, afin de mieux appréhender ce à quoi ils ont affaire et qu'ils expriment dans leurs propres termes. En ce sens, la réforme que l'on entrevoit dans cette perspective, c'est celle qui conduit à la révision de nos modes d'être et de pensée. Il provoque un accroissement de l'acuité que nous pouvons avoir sur nos conditions de vie sociale, les contextes d'action, d'agents, de situations, de forces, de pression, de tous ordres qui y jouent un rôle. De sorte que nous puissions apprendre à les atténuer, les affronter ou les contourner en partant en chacun, chacune de son expérience et de choses vécues pour tenter de s'assurer tout de même une vie et qui vaille précisément la peine d'être vécue au-delà des formes de pensée, des voies tout tracées et des déterminations sociales qui bavent ou obstruent notre chemin. Et tout ceci s'apparente à un enseignement mutuel, contingent et continu, tout au long de la vie, selon la formule consacrée. Il s'agit alors d'aller à l'encontre de ce qui déporte l'université hors d'elle-même, en fait d'une annexe de l'entreprise avec son cortège de préoccupations et ses codes de conduite bien particuliers. Comme on le voit, penser l'université par elle-même invite à un programme d'une toute autre ampleur que celui qui résulte de l'effort accompli pour réduire l'université à une fonction utilitaire de formation de travailleurs opérationnels employables par le marché. Pour évoquer la présence silencieuse de l'université qui persiste bon an mal an à titre de principe et d'expérience vécue d'un petit nombre de résistants et résistantes dans les marges de l'université, instrument de l'économie de la connaissance, et qui peut-être ne demanderait qu'à s'épanouir plus largement, nous recevons ce soir le linguiste et philosophe Jean-Claude Milinaire et le philosophe Pino Prado qui organisent cette séance et à qui je cède la parole après les avoir remerciés tous deux de leur présence.